C. Ils me le vendent. Je les ai achetés ensemble. Plaignez-vous à la banque? Prenez la rampe. Je me suis blessé à la tempe. Tu veux que je l'emmène ?